بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة الكرام في هذه الرسالة المختصرة الطيبة النافعة في بيان التوحيد وضده الشرك. On continue donc la lecture et le commentaire de cet épître concis, profitable et bénéfique concernant le tawhid et son contraire qui est le shirk. On avait vu précédemment les différents types de tawhid, al-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, al-uluhiyya, l'unicité dans la divinité, al-asma wa sifat, l'unicité concernant les noms et attributs. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله انواع الشرك. Et on est arrivé à la parole de l'auteur رحمه الله lorsqu'il nous dit les formes de polythéisme. Et donc on a vu les types de tawhid. Et maintenant, on va commencer à voir le polythéisme. فيقول المؤلف رحمه الله النوع الأول الشرك الأكبر. Et donc la première forme de polythéisme est الشرك الأكبر. ما هو التوحيد؟ Qu'est-ce que le tawhid? من يجيب أيها الإخوة؟ Qui répond? إفراد الله بما يختص به. Le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans ce qui lui est propre. Le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans ce qui lui est propre. Ça, c'est le tawhid de manière générale. Et donc ensuite, comme on a dit tout à l'heure, ensuite, on a le tawhid dans l'adoration. Ifradullahi bi'af'alina, le fait d'unifier Allah, d'affirmer l'unicité d'Allah dans nos actes à nous. Ça c'est tawhid dans l'adoration. On a tawhid ar-rububiyya, l'unicité dans la seigneurie. Ifradullahi bi'af'alihi, le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans ses actes à lui. C'est lui qui crée, c'est lui qui gère, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Et on a al-tawhid, tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah, l'unicité dans les noms et attributs. Wa huwa al-iman bima samma Allah bihi nafsahu wa wasafa bima samma Allah bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi aw ala lisan nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de croire au nom qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est donné et aux attributs qu'il s'est donné tabaraka wa ta'ala dans le Coran ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bighayri ta'dilin, sans rejeter cela. Wala tahrifin, sans changer. Wala tashbihin, sans chercher à faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à ses créatures. Wala takifin, et sans donc non plus sans chercher à savoir comment sont les mains d'Allah, comment est le visage d'Allah, comment Allah est établi sur son trône, etc., comme on a vu précédemment. Et donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, il nous dit, فالنوع الأول الشرك الأكبر. Et donc la première forme de polythéisme, le polythéisme majeur. ثم علم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة أنواع. Ensuite sache que le contraire du monothéisme est le polythéisme. Et celui-ci est de trois types. Il y a donc trois types de polythéisme. فكما رأينا في التوحيد ثلاثة أنواع كذلك في الشرك نرى ثلاثة أنواع. Et donc de la même manière que nous avons vu concernant le monothéisme, nous avons vu trois formes. Et bien pareillement concernant le polythéisme, nous allons voir aussi trois formes. Il nous cite donc ces formes, l'auteur rahimahullah, et il nous dit Ash-shirku aw shirkun akbar wa shirkun asghar wa shirkun khafi. Masha'Allah. Et donc l'auteur, il nous dit, rahimahullah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il nous dit un polythéisme majeur, un polythéisme mineur et un polythéisme khafi. Khafi, c'est-à-dire qui est caché, qui n'est pas apparent. Un polythéisme qui est caché. Tayyib. Et donc il a dit qu'il commence l'auteur, rahimahullah, tout d'abord par shirku al-akbar. Et donc on va voir la définition du shirk al-akbar. Ma huwa shirk? Premièrement, qu'est-ce que le shirk? Qu'est-ce que le polythéisme? Ash-shirk ayyuha al-ikhwa huwa sarf shay'in min khasa'is Allah tabaraka wa ta'ala li ghayri Allah. Le polythéisme, c'est le fait d'accorder une spécificité d'Allah à autre qu'Allah, tout simplement. Le polythéisme, c'est le fait d'accorder une spécificité d'Allah à autre qu'Allah. La personne qui va adorer autre qu'Allah va accorder une spécificité d'Allah à autre qu'Allah. Parce que Allah, c'est le seul à mériter l'adoration. On a aussi la personne qui va prétendre que un autre gère la terre, qu'un autre donne la vie ou donne la mort, etc. Et donc celui-ci, il va faire du polythéisme, car le fait de donner la vie, de donner la mort et de tout gérer, cela est spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ceci est du shirk. Là, ça ne va pas être du shirk dans l'adoration, mais ça va être du shirk dans la seigneurie. Une personne qui va donc prétendre que Allah tabaraka wa ta'ala, ses noms, ou du moins ses mains, sont comme les mains de ses créatures. Cette personne, elle aura fait du shirk. Pourquoi? Parce que les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala sont spécifiques à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne sont pas comme les mains de ses créatures. Et donc celui-ci aura accordé une spécificité d'Allah tabaraka wa ta'ala à autre qu'Allah, ici dans les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc le shirk, le polythéisme, c'est le fait d'accorder une des spécificités d'Allah à autre qu'Allah. Et ce polythéisme, il peut se faire dans la seigneurie, dans l'adoration ou dans les noms et attributs. Et le polythéisme fait sortir de l'islam. Et c'est lui le polythéisme majeur. C'est lui le polythéisme majeur. Concernant la définition du polythéisme mineur, on va retarder ça pour plus tard. Puisque ici, l'auteur, rahimahullah, il nous parle du polythéisme majeur. Même s'il a cité les trois. Le polythéisme majeur, le polythéisme mineur et le polythéisme caché. On va voir, inshallah ta'ala, toutes ces formes de polythéisme, mais maintenant on se concentre tout d'abord sur le polythéisme majeur. Ensuite, l'auteur rahimahullah qui nous dit وَالدَّلِيلُ عَلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ قَوْلُهُ ta'ala. Et la preuve concernant le polythéisme majeur, c'est la parole d'Allah, le Très-Haut. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Et donc certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Donc ici c'est le polythéisme. Là, il a utilisé le terme yushrika bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Et il pardonne en dessous de cela pour qui il veut. Et celui qui commet du polythéisme, et celui qui accorde un associé à Allah, celui-ci se sera égaré d'un profond égarement. Ayyuhal ikhwa, liyu'alam awwalan anna al-ulama ikhtalafu fi hadhihi al-aya. Premièrement, il faut savoir que les savants, ils ont divergé concernant ce verset. فجعل بعضهم هذه الآية دليلا على أن الشرك الأصغر لا يغفر له كذلك فقالوا هذه الآية عامة فتشمل الشرك الأكبر والأصغر. Et donc, il faut savoir que certains savants, ils ont utilisé ce verset comme preuve pour dire que le polythéisme mineur, lui non plus, n'est pas pardonné. Allah, il dit dans ce verset, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Et donc, ils ont dit que le polythéisme mineur, lui non plus, n'est pas pardonné. Ce n'est pas que le polythéisme majeur. Ils disent, la parole, elle est, le verset est général. Le verset est général. Et donc, même le polythéisme mineur, et donc Allah tabaraka wa ta'ala ne lui pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, que ce soit du polythéisme majeur ou alors du polythéisme mineur. Sauf que la différence entre les deux, el farqu huwa anna sahib ash-shirk al-akbar yukhallad fi an-nar. Sauf la différence, c'est que celui qui a accompli du polythéisme majeur, celui-ci sort de l'islam et sera dans le feu éternel. Contrairement à celui qui a accompli le polythéisme mineur. Celui-ci ne sort pas de l'islam, mais par contre, son péché n'a pas été pardonné. Ça, c'est un avis. Le deuxième avis, barakallahu fikum, c'est que ce verset ne concerne que le polythéisme majeur. C'est-à-dire que le polythéisme mineur, ils vont dire que celui qui, l'auteur du polythéisme mineur, ils vont dire huwa taht al-mashi'a, il est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonne, et s'il veut, il ne pardonne pas. Mais ils disent que ce verset-là, il concerne spécifiquement le polythéisme majeur et pas le polythéisme mineur. C'est comme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit à son prophète La in ashrakta layahbatanna amaluk wa litakunanna min al-khasirin. Si tu accomplis du polythéisme, alors tes œuvres deviendront vaines et tu feras partie des perdants. Et donc ici, ça c'est le polythéisme majeur seulement. Il n'y a que le polythéisme majeur qui fait que les œuvres de l'individu deviennent vaines. Le polythéisme mineur ne fait pas cela. Or, ici, Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé le terme « la in ashrakta » si tu accomplis du polythéisme. Aussi, et le terme, il est général. Et donc ils disent que lorsque le polythéisme est cité de manière générale comme cela, ce qui est voulu, c'est le polythéisme majeur. Ce n'est pas le polythéisme majeur et mineur, mais c'est le polythéisme majeur. Il y a beaucoup d'exemples comme cela dans le Coran. D'ailleurs, quand Allah tabaraka wa ta'ala parle dans le Coran de ceux qui font du polythéisme, qui sortent de l'islam, qui vont éternellement dans le feu, à chaque fois il utilise le terme yushrik ou ashrak. Et donc à chaque fois il utilise le terme du shirk. Et il ne précise pas akbar. Et donc ils disent, ces savants, que ce qui est voulu à chaque fois ici, c'est le polythéisme majeur. Et que lorsqu'on parle du polythéisme mineur, là, il y a une preuve qui va venir préciser que ceci est du polythéisme mineur. Tayyib. Et donc, ça, c'est une différence qu'il y a entre les ulémas. Mais dans tous les cas, cela nous suffit, barakallahu fikoum, pour délaisser toute forme de polythéisme, que ce soit le polythéisme majeur ou mineur. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut qui dit, وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le Messie, il dit: ô descendants de Israël, ô béni Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Allahu Akbar. Allahu Akbar. À chaque fois, on le dit aux chrétiens. On le dit, mais montrez-nous une seule preuve dans la Bible où Jésus il dit que c'est lui le Seigneur et que nous devons l'adorer. Montrez-nous une preuve où Jésus dit que nous devons l'adorer. Ici, et donc, non, il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas de preuve dans la Bible où Jésus dit que nous devons l'adorer. Tayyib, le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala vient corriger toutes les erreurs et tous les mensonges. Et il nous cite la parole du Messie, il nous cite la parole de Jésus, clair. Ô Benou Israël, adorez Allah, mon Seigneur. Ça veut dire quoi, mon Seigneur? C'est mon Seigneur, celui que j'adore. Et le vôtre, votre Seigneur. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Certes, celui qui accorde un associé à Allah, celui qui accorde quelconque associé à Allah, alors certes, Allah lui interdit le paradis. Wa ma'wahu an-nar, et son refuge sera l'enfer. Wa ma liz-zalimina min ansar, et les injustes n'auront aucun secours. Ce verset est très important et montre la situation terrible des polythéistes. Celui qui accomplit du polythéisme, alors ses péchés ne sont pas pardonnés, comme on a vu précédemment. Dans le verset précédent, on comprend que Allah ne pardonne pas le polythéisme. Mais ce n'est pas tout. Il y a en plus de cela, le fait que celui qui a accompli du polythéisme, alors le paradis lui est interdit. Et donc ici on parle du polythéisme majeur. Le paradis lui est interdit. Il fait qu'on harram Allahu alayhi al-jannah. Et c'est pour ça que Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils accordent une grande importance à ce sujet, ya Jama'a. Ils accordent une grande importance à ce sujet, le sujet du Tawhid. Et de mettre en garde contre le shirk, c'est le sujet le plus important. Une personne qui ne maîtrise pas ce sujet, une personne qui accomplit du polythéisme majeur, se retrouve dans le feu éternel. Voilà pourquoi les gens de la Sunna, ce sont ceux qui ont fait du Tawhid un de leurs signes distinctifs. Contrairement aux prédicateurs, les autres prédicateurs qui vont nous faire plein de séries sur le mariage, sur ci, sur ça. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas important. Oui, c'est important de parler du mariage. C'est important de parler du divorce. C'est important de parler du comportement. Oui, mais il ne faut pas délaisser la priorité. Il ne faut pas délaisser la voix des prophètes. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Et les injustes n'auront aucun secoureur. Personne ne pourra les secourir, ces gens-là, les polythéistes. Personne ne pourra leur venir en aide dans l'enfer éternellement. Et donc, ô chers frères, je vous appelle vraiment à accorder de l'importance à ce sujet, à l'étudier, à le maîtriser. Car il y a encore trop d'hésitation lorsqu'on demande aux gens les définitions du tawhid. Tawhid al-Rububiyya, al-Uluhiyya, al-Asma wa Sifat, le tawhid de manière générale. Trop d'hésitation. Lorsqu'on demande aux gens la définition du shirk, trop d'hésitation. Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'on veut appeler les gens au tawhid si on n'est pas capable de donner sa définition? Et donc ce sujet, ô chers frères, n'est pas un sujet à prendre à la légère. Barakallahu fikum. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa huwa arba'atu anwa', c'est-à-dire donc que le polythéisme majeur se divise en quatre types. Et donc, on a vu qu'il y a trois formes de polythéisme. Polythéisme majeur, polythéisme mineur, polythéisme caché. Le polythéisme majeur, ses caractéristiques, c'est que celui-ci fait que la personne qui l'accomplit n'est pas pardonnée, premièrement, est privée de l'enfer, est privée du paradis, deuxièmement, restera en enfer éternellement et n'aura aucun secoureur. Et ses œuvres deviendront vaines. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Ses œuvres deviendront vaines, tout ce qu'il a fait. Subhanallah. Il a été monothéiste pendant toute sa vie. Il arrive à la fin de sa vie, il accomplit une fois du shirk. Une fois. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a accompli en étant monothéiste avant cela, devient vain. Parce que là, tout ce qu'il a accompli avant cela est annulé. Parce que là, il est devenu polythéiste. Et donc, il est important, chers frères, que on vive et qu'on meure sur le tawhid. Et tawhidu awwalan wa akhiran. Le tawhid au début et à la fin. Allah tabaraka wa ta'ala iftataha kitabahu bit tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala, il a commencé son livre par le tawhid. Al-Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons de l'aide. Il a commencé par le tawhid. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yawmiddin. Il a commencé par le tawhid, tabaraka wa ta'ala. Et il a fini son livre avec le tawhid. Kul a'udhu bi rabbin nas, maliki nas, ilahi nas. Dis, j'implore la protection du Seigneur des hommes, le Maître des hommes, la divinité des hommes. Il a commencé son livre, Tabaraka wa ta'ala, par le Tawhid, et il l'a fini par le Tawhid. Et chaque page du Coran, c'est du Tawhid. Et donc, chaque page de notre vie doit être du Tawhid. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde, chaque minute de notre vie doit être du Tawhid. التوحيد أولا وآخرا أيها الإخوة هذه الكلمة التي يجب علينا أن نطبقها ونعمل بها. Cette parole que nous devons appliquer et œuvrer avec. Le tawhid au début et à la fin. Le tawhid durant toute notre vie. Du début à la fin. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et la semaine prochaine, on va voir les quatre formes de polythéisme majeur que nous a cité l'auteur, rahimahullah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.